Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Là, nous sommes mardi 25 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. L'Union burundaise des journalistes, à travers son président, estime que la suspension de cette organisation par le ministère de l'Intérieur est un prétexte relevant d'une malheureuse globalisation. Alexandre Niyongeko dit que tout ancien syndicat ne peut pas être sanctionné pour de présumés manquements de ses dirigeants. Entre-temps, la loi sur la presse de 2015 est en passe d'être encore une fois amendée. Vous aurez les explications du président du Conseil national de la communication, Karenga Ramadan. Un incendie déclaré dans les enceintes de l'état-major général de l'armée burundaise la nuit dernière a fait plus de peur que de mal. Selon le porte-parole de la Force de défense nationale, le feu qui s'est déclaré au bureau du chef du service informatique serait lié aux installations de la régie des eaux. Et dans la chronique santé, il sera question de la nutrition. Un spécialiste nous dira comment perdre du poids quand on en a à l'excès. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Toussaint Mitebouti. La radio de l'avenir. Rebonjour. La police et l'armée ont opéré ce matin une fouille au quartier 1 de la zone Moussaga, commune Mouha, mairie de Bujumbura, à la 3e et 4e avenue. Le porte-parole de la police précise qu'il s'agit d'un travail de routine, arguant qu'ils étaient en train de vérifier s'il y a des personnes qui n'ont pas de cahier de ménage. Dans cette opération, personne n'a été appréhendé. Je vous le disais, un incendie s'est déclaré hier soir dans un bureau des locaux abritant le ministère de la Défense nationale et l'état-major général de l'armée burundaise. Le porte-parole de ce ministère, Gaspard Baratouza, tranquillise qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Selon lui, le feu s'est déclaré précisément aux environs de 21h dans le bureau du chef du service informatique. Il estime que l'origine de l'incendie serait liée aux installations de la régie des eaux. Suivez le colonel Gaspard Baratouza, c'est le porte-parole de la Force de défense nationale. C'est le bureau du chef informatique qui a pris feu vers 21h. La garde qui était tout près a alerté les sapeurs-pompiers qui sont venus rapidement pour éteindre ce feu afin qu'ils ne puissent pas se propager vers d'autres bureaux. Le feu a été maîtrisé très rapidement, à part quelques documents, quelques matériels qui ont été endommagés, surtout dans ce bureau. Les autres n'ont pas été touchés. Justement, les dégâts, ce sont lesquels? Les dégâts, je peux signaler quelques matériels comme des machines qui donnaient le réseau informatique aux autres bureaux a été endommagé, mais comme l'état-major général, le ministère prévoit chaque fois des matériels de réserve, actuellement, on est basculé à ces appareils de secours pour continuer à fonctionner en attendant le rétablissement de ce qui a été endommagé. Et dans l'entretemps, est-ce que vous êtes au courant de l'origine de l'incendie, probablement des êtres humains ou des installations de la régie des eaux? C'était 21h, alors le bureau était déjà clos à partir de 15h30. Entre 7h et l'heure où l'incident s'est produit, ça se comprend que l'erreur humaine ou l'origine humaine serait très minime probabilité, d'où probabilité d'un court-circuit de la régie des eaux risque de prendre une place importante dans cet incident-là. C'était le colonel Gaspard Baratouza au téléphone avec Léonce Huitariho. Insécurité toujours, Tuishime Moïse, un adolescent de la colline Guissovou en commune Kanyosha de la province Bujumbura, a été tué fusillé dans la nuit de ce dimanche à lundi. Il était élève en 9e année à l'école fondamentale de Guissovou, selon les informations recueillies auprès de l'administration. Les bourreaux l'avaient enlevé durant toute la journée de dimanche après l'avoir appelé au téléphone. Ils sont venus le tuer dans une plantation de bananiers se trouvant à 100 mètres de chez eux. C'était aux environs de 20h. Les enquêtes ont commencé selon le chef de colline Guissovou, mais personne n'a été appréhendé jusqu'ici. Et trois vaches sont mortes, calcinées. Elles ont été brûlées dans leur étable la nuit de ce lundi à mardi sur la colline Ngarama, en commune et province Ruyigi. Selon le propriétaire de ces vaches et certains des habitants proches de l'étable, l'auteur de cet incendie est un certain Isaac Bigirimana, un des bergers de ces vaches. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années a mis le feu aux différents côtés de l'étable, puis a pris le large. Même un berger qui était avec lui a failli être brûlé lui aussi dans cette étable parce qu'il a été réveillé par le feu, puis il a crié au secours. Malgré l'intervention des habitants proches, trois vaches sur quatre qui se trouvaient dans cette étable sont mortes. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le syndicat des journalistes UBJ fait partie des organisations suspendues pour avoir manqué à ses objectifs, selon la décision ministérielle sortie ce lundi. Cette organisation mène des actions qui sont de nature à perturber l'ordre et la sécurité du pays. Au cours d'une conférence de presse ce lundi, l'assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole du même ministère a précisé que l'UBJ a été suspendue parce que certains de ses dirigeants ne travaillent plus comme auparavant. Suivez. S'il y aurait des responsables de la BJ qui sont parmi les gens qui perturbent la sécurité dans le pays, ce ne sont pas tous les membres, je pense. Vous êtes vous tous les journalistes, n'est-ce pas? L'IBJ est une association sans but lucratif comme les autres, n'est-ce pas? Elle vient d'être suspendue temporairement. C'est l'occasion pour les membres de la BJ qui disent, voilà, nous sommes lésés, c'est la justice, de s'asseoir et d'étudier leurs questions. Alors, lorsque les responsables d'une association, lorsque les présidents de la BJ dévalent la loi, ne travaillent plus comme il le faut, ont violé la loi, qu'est-ce qui manque pour que les membres de l'association se mettent ensemble et demandent l'autorisation d'offrir une assemblée générale conformément à la loi, envie de mettre en place un nouveau organe, et ce nouveau organe qui veut travailler conformément à la loi burundaise? Qu'est-ce qui manque? Voilà. C'était le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja. Et le ministère de l'Intérieur ne devrait pas suspendre l'Union burundaise des journalistes, accusant certains responsables de perturber l'ordre et la sécurité du pays. Le président de l'UBJ trouve qu'il s'agit d'un prétexte de ce ministère, sinon les journalistes membres de l'association ne pourraient pas être victimes des actes qu'ils n'ont pas commis. Suivez Alexandre Niyungeko, joint au téléphone par Francine Nihokugayo. Le syndicat ne pouvait ne pas rester les yeux fermés face à de telles atteintes aux droits des journalistes, parce que le syndicat, il est là pour les journalistes. Et donc, je dirais tout simplement que, oui, le ministre, certainement, il a un agenda et qu'il réalise cet agenda. De toute façon, ce que je dirais, c'est que l'Union burundaise des journalistes existe bel et bien parce qu'il y a des journalistes, et ce ne sont que les seuls qui peuvent décider de la dissoudre. Le ministère de l'Intérieur accuse certains responsables de l'UBJ d'être parmi les gens qui déstabilisent le pays. Quelle est votre réaction? Bon, déstabiliser le pays, c'est quoi? D'abord, quels sont ces responsables? Déstabiliser le pays, c'est trop, parce que je n'ai jamais entendu ni même un responsable, mais même un simple membre de l'UBJ qui serait impliqué dans la déstabilisation du pays. C'est la première fois que je l'entends. Mais quand bien même ce serait le cas, je pense que les personnes, qu'ils soient responsables de l'UBJ, doivent répondre devant la loi. Ce n'est pas au syndicat ou à l'organisation de subir des fautes ou accusations qui sont portées contre des individus. Donc les journalistes et membres de l'UBJ ne devraient pas être victimes des accusations qui sont faites à l'encontre des responsables. À moins que la loi ait changé, que finalement, désormais, toi ou moi pourrais être poursuivi pour un crime que je n'ai pas commis ou une faute que je n'ai pas commise. Alexandre Niyungeko au téléphone avec Francine Ndihokugayo. La loi régissant la presse au Burundi est sous étude pour modification. Le président du Conseil national de la communication, CNC, l'a annoncé ce mardi lors du lancement d'un atelier de sensibilisation des journalistes sur le contenu de la loi régissant la presse de 2015. Karenga Ramadan tranquillise que cette loi viendra pour compléter celle de 2015 qui présente une amélioration par rapport à celle de 2015. On l'écoute. Cette loi est en train d'être revue pour pouvoir améliorer, apporter des éléments, des imperfections qui jusque-là ne permettaient pas au fonctionnement normal de l'activité des médias. Peut-être c'est une façon d'aménager quelques dispositions pour les mettre en conformité avec les réalités sur le terrain. Je donne l'exemple au niveau de la loi sur la presse, certains secteurs qui jusqu'à présent étaient dans le champ de compétences de la loi et aussi du Conseil national de la communication, mais qui en pratique, il n'y a pas de modalité de fonctionnement de ces secteurs. Je donne ici à l'exemple de l'imprimerie, l'exemple de la librairie, de l'édition, et l'exemple du cinéma, l'exemple des agences en communication. Et tous ces secteurs-là n'étaient pas gérés au niveau de la loi. Ils sont mentionnés parmi les compétences du CNC aussi. Ce futur changement de cette loi inquiète les professionnels des médias, surtout que l'actuel... Qui est professionnel d'abord? Vous êtes en train de me poser une question à laquelle je pose des questions. Vous parlez de professionnel. Le professionnel requiert un statut qui doit être accordé par une instance. Alors vous me parlez des gens d'un professionnel qui n'existe pas encore. Vous voyez, c'est ça la question. Donc aujourd'hui, il faut justement qu'il y ait un texte qui reconnaît clairement qui est professionnel et qui ne l'est pas. Alors si vous continuez à dire, oui, il y a des professionnels, pour moi, je n'en vois que des professionnels, oui, à travers les études qu'ils ont faites, à travers les expériences qu'ils ont faites, mais aussi j'en vois des intrus, des aventuriers dans son métier. Alors comment départager s'il n'y a pas de cadre réglementaire pour dire, voilà, si vous commencez à faire l'amalgame professionnel, moi en tant que professionnel, ça me dérange justement, et surtout en tant que régulateur. C'était le président du Conseil national de la communication, Karenga Ramadani, qui répondait aux questions de Joseph Nsabi Yabandi. Et c'est ton devoir pour les journalistes de savoir le contenu de la loi qui les régit, et la conviction de la maison de la presse à travers la voix de sa présidente. Denise Mugugu estime que c'est très très important que les journalistes sachent le cadre légal de l'exercice de leur métier. C'était aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture d'un atelier organisé par la maison de la presse à l'intention des journalistes. Suivez Denise Mugugu. C'est vraiment important que le journaliste connaisse le cadre légal où il est censé agir, pas seulement pour être en ordre avec la loi, mais aussi pour avoir les moyens légaux de se défendre, les moyens légaux d'assurer sa sécurité. Parce que la première chose pour la sécurité du journaliste, c'est d'être en ordre avec la loi. Et cela, il faut qu'il le sache lui-même pour pouvoir se défendre. Cependant, c'est une loi en instance de modification. Bon, on a parlé de cette question avant d'organiser cet atelier avec l'instance de régulation. Effectivement, il y a certaines choses dans cette loi qui manquent ou qui ne sont pas à jour. C'est notamment la question de la carte de presse. On ne peut pas empêcher des compléments pour enrichir la loi. Il est inconcevable qu'on passe une année et demie en étant régi par une loi qu'on ne connaît pas. Denise Mugugu, c'est la présidente de la Maison de la Presse, toujours au micro de Joseph Nsabiyabandi. Éducation maintenant. 114 lauréats qui n'ont pas réussi au concours national pour continuer l'école post-fondamentale ont passé un test ce mardi au Centre de formation et de perfectionnement professionnel CFPP de Niakabiga. Le directeur adjoint chargé du programme pédagogique indique que cela n'est pas contradictoire à la décision du ministère de l'Éducation qui dit que seuls les élèves qui ont réussi au concours vont continuer dans les centres de formation professionnelle. Daïssa Renild a en outre ajouté que le CFPP est doté d'un statut particulier. Suivez Daïssa Renild. Les élèves que nous avons accueillis sont des élèves qui ont été éjectés par le système de l'école fondamentale, qui n'ont pas réussi au concours national et qui désormais sont à leur maison familiale. Alors, c'est ces élèves-là que nous avons accueillis. Parmi eux, il y en a qui ont réussi en classe, mais qui n'ont pas réussi au concours national. Nous avons des statuts particuliers. C'est un établissement public à caractère administratif, doté d'une autonomie de gestion. Nous avons aussi un règlement de formation propre à nous. Donc, je peux affirmer que nous ne sommes pas allés à l'encontre de la décision du ministre parce qu'il est averti. Et nous dépendons du ministère de la fonction publique et du travail et de l'emploi. Ils sont avertis. Donc, parmi ces élèves que nous avons accueillis, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas voulu fréquenter le CM. C'est peut-être qu'ils ont jugé bon de venir ici au CFPP. Nous avions inscrit 229 candidats et aujourd'hui, il n'y a que 114 qui se sont présentés et qui sont en train de faire le test. Le CFPP Niakabiga, c'est le centre pilote. Il a ses centres satellites à Kirundo et à Bururi. Et aussi, ils sont en train de faire passer le test. Nous sommes en contact. Renil Dendaïsaba, c'est le directeur adjoint chargé du programme pédagogique au CFPP de Niakabiga. Sachez que ces lauréats vont terminer leur formation après 27 mois, une formation qui sera sanctionnée par un diplôme de niveau A3 professionnel. Les agriculteurs de la commune Mouhinyouza dans la province de Muyinga ont besoin de paiement de l'argent pour récupérer l'engrais chimique commandé, non plus à qui s'adresser. L'agence de la poste de Mouhinyouza est fermée depuis 2 semaines. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga signale avoir saisi la direction en charge de la fertilisation des sols pour régler cette affaire en collaboration avec la poste. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Zeyman. Le délai additionnel de 15 jours communiqué aux agriculteurs d'avoir décaissé l'engrais commandé expire avec ce mois d'octobre. Pour récupérer cet engrais, les agriculteurs ayant payé l'avance doivent payer le montant restant. En commune de Mouhinyouza, ces opérations sont bloquées depuis 2 semaines. L'agence de la poste s'est en route transiter ces montants et fermée. Les agriculteurs victimes de ce dysfonctionnement réclament des mesures particulières de la part de la direction de l'agriculture et les autorités administratives. Pacifique Ndeokubgayu, administrateur de la commune de Mouhinyouza, reconnaît que l'agent de la poste est absent depuis 2 semaines. L'administration a saisi la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage, dite DPAI. Projet Sendeguia, responsable de DPAI Muyinga, indique avoir soumis son dossier à la direction générale en charge de la fertilisation des sols. Son directeur assure, la direction saisie est en communication avec la poste. Une solution à son problème pourra être communiquée d'un moment à l'autre. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Actualité internationale avant la chronique santé. En République centrafricaine, 4 civils ont été tués, 14 autres blessés, dont 5 casques bleus à Bangui ce lundi à la suite d'un appel à une ville morte. Et au Pakistan, l'organisation État islamique revendique l'attaque d'une école de police qui a fait une cinquantaine de morts et plus d'une centaine de blessés ce lundi. Et au Kenya, 12 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle attaque meurtrière à l'explosif qui a eu lieu à Mandera dans la matinée de ce lundi. Dorine Dairolele. Au Kenya, au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte à Mandera. Il s'agit d'une deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya frontalière de la Somalie. Selon nos sources de la RFI, si cette attaque de ce mardi matin n'a pas encore été revendiquée, la précédente d'ici octobre dernier l'avait été par les insurgés islamistes et radicaux somaliens Shebab. En Centrafrique, la MINUSCA est intervenue dès les premières heures de son lundi à Bangui pour démanteler les barricades érigées par des manifestants hostiles, indique un communiqué de la force onusienne daté du lundi 24 octobre. La MINUSCA dénonce avec fermeté les incidents qui ont touché certains quartiers de la capitale et déplore qu'ils aient entraîné la mort de 4 civils et 14 blessés, dont 5 casques bleus. Selon le site de Jeune Afrique, un collectif de la société civile avait appelé à une journée ville morte dans la capitale centrafricaine pour demander le retrait de la force de l'ONU accusée de pacifisme face aux violences dans le pays. Des violences qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de civils depuis le début du mois d'octobre. Et au Pakistan, l'organisation État islamique a revendiqué ce mardi l'attaque contre une école de police dans le sud-est de ce pays qui a fait 59 morts et plus d'une centaine de blessés lundi, selon le bilan provisoire des autorités. Comme nous le lisons sur le site du journal Le Monde, ce collège de police est situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Quetta, la capitale de la province instable du Boulakistan. Le groupe djihadiste a revendiqué l'attaque dans un communiqué publié sur son canal de diffusion Amak. Radio Isanganiro Chronique. Je vous l'avais dit dans les titres, nous parlons nutrition. La consommation de viande et de boissons peut conduire à un excès de poids et même à l'obésité. Le nutritionniste Alexis Harimenshi conseille de perdre du poids en ayant une alimentation variée et saine qui aide notre organisme à brûler les calories. C'est dans cette chronique santé préparée et présentée par Clarine Mourouziz. L'alimentation constitue plus de 95% de l'excès du poids qui peut occasionner l'obésité, et seulement 5% sont causés par la prédisposition génétique. Pour ce, on peut être maître de son poids en ayant le contrôle de son alimentation, comme le dit le nutritionniste Alexis Harimenshi. Et la plupart des aliments et des boissons qui constituent la principale source d'énergie, c'est-à-dire des calories en provenance des protéines, des graisses et des lipides. C'est notamment par exemple la prise des boissons alcoolisées qui entraîne l'excès de sucre dans l'organisme que le foie va convertir en glucose ou en sucre qui à son tour va augmenter anormalement le poids selon la quantité de boissons alcoolisées consommées. C'est la consommation de viande, des œufs ou du lait dont les graisses et les protéines annexées vont contribuer à l'accumulation anormale des graisses dans l'organisme, ce qui va aboutir à l'augmentation anormale du poids, c'est-à-dire la surcharge pondérale ou l'obésité. La consommation excessive de limonade et de boissons serait aussi source d'excès de sucre dans l'organisme qui peut conduire à l'obésité. Comme solution, d'après Alexis Harimenshi, il faut arrêter de manger des sucreries ou manger des plantes qui brûlent ces excès de calories. Et il faut savoir que dans les plantes ou bien dans les aliments que nous consommons, il y a des aliments ou bien des plantes qui nous aident à brûler les graisses excédentaires. C'est notamment le citron, l'eau citronnée, la salade crue. Par exemple, si vous prenez 5 citrons et vous les découpez, vous prenez 5 oignons rouges, vous découpez, vous pilez 30 gousses d'ail, vous portez à l'ébullition pendant 15 minutes dans l'eau, dans un litre d'eau, vous filtrez, vous consommez le litre matin, midi et soir, vous parviendrez à brûler l'excédent de graisse stagnée sous votre peau sous forme de graisse. Il y a ceux qui veulent perdre du poids en se privant complètement de manger. D'après ce nutritionniste, ce serait très mauvais pour la santé. Il faut manger et manger varié sans toutefois exagérer, notamment en matière des aliments engraissants, c'est-à-dire des aliments riches en protéines, en graisses et en glucides. Il faut manger modérément les aliments légèrement riches en protéines, en lipides et en glucides. C'est le cas par exemple des pommes de terre, des haricots secs, des arachides, de la pâte de blé, de la pâte de maïs, des fruits. Manger deux fois par jour. Matin, manger comme roi, midi comme prince, le soir comme mendiant. Vous allez perdre seulement du poids sans emprisonner votre organisme dans une alimentation déficiente. L'exercice physique est aussi un facteur de régulation de la pondération qui permet de brûler les graisses, mais seulement si l'alimentation est rationnelle. Merci Clarine Ngurunziza, merci au nutritionniste Alexis Arimeshi pour ses éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.